Chapitre 33 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne. Livre 1. Chapitre 33. La fortune se rencontre souvent au train de la raison. L'inconstance du branle divers de la fortune fait qu'elle nous doive présenter toute espèce de visage. Y a-t-il action de justice plus expresse que celle-ci? Le duc de Valentinois, ayant résolu d'empoisonner Adrien, cardinal de Cornette, chez qui le pape Alexandre VI, son père, et lui allaient souper au Vatican, envoya devant quelques bouteilles de vin empoisonnées, et commanda au sommelier qu'il la gardât bien soigneusement. Le pape y étant arrivé avant le fils, et ayant demandé à boire, ce sommelier, qui pensait ce vin ne lui avoir été recommandé que pour sa bonté, en servit au pape, et le duc même, y arrivant sur le point de la collation, et se fiant qu'on n'aurait pas touché à sa bouteille, en prit à son tour, en manière que le père en mourut soudain, et le fils, après avoir été longuement tourmenté de maladie, fut réservé à une autre pire fortune. Quelquefois, il semble à point nommé qu'elle se joue à nous. Le seigneur d'Estrée, lors guidon de Monsieur de Vendôme, et le seigneur de Licq, lieutenant de la compagnie du duc d'Ascot, étant tous deux serviteurs de la sœur du sieur de Fungezel, quoique de divers partis, comme il advient aux voisins de la frontière, le sieur de Licq l'emporta. Mais le même jour des noces, et qui pisait avant le coucher, le marié, ayant envie de rompre un bois en faveur de sa nouvelle épouse, sortit à l'Escarmouche, près de Saint-Omer, où le sieur d'Estrée, se trouvant le plus fort, le fit son prisonnier. Et pour faire valoir son avantage, encore fallut-il que la damoiselle, conjugis ante coacta novi dimittere collum, quam veniens una atque altera rursus iems, noctibus in longis, avidum saturasset amorem. Lui fit elle-même requête par courtoisie de lui rendre son prisonnier, comme il fit, la noblesse française ne refusant jamais rien aux dames. Semble-t-il pas que ce soit un sort artiste? Constantin, fils de Hélène, fonda l'empire de Constantinople, et tant de siècles après, Constantin, fils de Hélène, le finit. Quelquefois, il lui plaît envier sur nos miracles. Nous tenons que le roi Clovis, assiégeant Angoulême, les murailles churent d'elles-mêmes par faveur divine. Et Boucher emprunte, de quelque hauteur, que le roi Robert, assiégeant une ville, et s'étant dérobé du siège pour aller à Orléans solenniser la fête Saint-Aignan, comme il était en dévotion sur certains points de la messe, les murailles de la ville assiégée s'en allèrent sans aucun effort en ruine. Elle fit tout à contrepoil en nos guerres de 1000 ans, car le capitaine Rance, assiégeant pour nous la ville d'Hérone, et ayant fait mettre la mine sous un grand pan de mur, et le mur en étant brusquement enlevé hors de terre, rechut toutefois tout empenné, si droit dans son fondement, que les assiégés n'en vosirent pas moins. Quelquefois, elle fait la médecine. Jason Ferreus, étant abandonné des médecins pour une apostème qu'il avait dans la poitrine, ayant envie de s'en défaire, au moins par la mort, se jeta dans une bataille à corps perdu dans la presse des ennemis, où il fut blessé à travers le corps si à point que son apostème en creva et guérit. Surpassa elle pas le peintre Protogénès en la science de son art? Celui-ci, ayant parfait l'image d'un chien las et recru à son contentement en toutes les autres parties, mais ne pouvant représenter à son gré l'écume et la bave, dépité contre sa besogne, prit son éponge, et comme elle était abreuvée de diverses peintures, la jeta contre pour tout effacer. La fortune porta tout à propos le coup à l'endroit de la bouche du chien, et y parfournit à quoi l'art n'avait pu atteindre. N'adresse-t-elle pas quelquefois nos conseils et les corrige? Isabelle, reine d'Angleterre, ayant à repasser de Zélan dans son royaume, avec une armée en faveur de son fils contre son mari, était perdue si elle fût arrivée au port qu'elle avait projeté, y étant attendue par ses ennemis. mais la fortune la jeta contre son vouloir ailleurs, où elle prit terre en toute sûreté. Et cet ancien, qui ruant la pierre à un chien, en asséna et tua sa marâtre, eut-il pas raison de prononcer ce vers? Tautomaton, epon, chalio, poileuetai. La fortune a meilleur avis que nous? Icet avait pratiqué deux soldats pour tuer Timoléon, séjournant à Adrane en la Sicile. Ils prirent heure sur le point qu'ils feraient quelques sacrifices, et se mêlant parmi la multitude, comme ils se guignaient l'un l'autre que l'occasion était propre à leur besogne, voici un tiers qui, d'un grand coup d'épée, en assène l'un par la tête et le rue mort par terre et s'enfuit. Le compagnon, se tenant pour découvert et perdu, recourut à l'hôtel, requérant franchise, avec promesse de dire toute la vérité. Ainsi qu'il faisait le compte de la conjuration, voici le tiers qui avait été attrapé, lequel, comme meurtrier, le peuple pousse et s'aboule au travers la presse vers Timoléon et les plus apparents de l'assemblée. Là, il crie merci, et dit avoir justement tué l'assassin de son père. Vérifiant sur le champ, par des témoins que son bon sort lui fournit tout à propos, quand la ville des Léontins, son père, de vrai, avait été tué par celui sur lequel il s'était vengé. On lui ordonna 10 mines attiques, pour avoir eu cette heure, prenant raison de la mort de son père, d'avoir retiré de mort le père commun des Siciliens. Cette fortune surpasse en règlement les règles de l'humaine prudence. Pour la fin, en ce fait ici, se découvre-il pas une bien expresse application de sa faveur, de bonté et piété singulière? Ignatius, père et fils, proscrits par les triumvirs à Rome, se résolurent à ce généreux office de rendre leur vie entre les mains l'un de l'autre, ayant frustré la cruauté des tyrans. Ils secoururent sus l'épée au poing. Elle en dressa les pointes et en fit 2 coups également mortels, et donna à l'honneur d'une si belle amitié qu'ils eussent justement la force de retirer encore des plaies leurs bras sanglants et armés pour s'entre-embrasser en cet état, d'une si forte étreinte que les bourreaux coupèrent ensemble leurs 2 têtes, laissant les corps toujours pris en ce noble nœud, et les plaies jointes humant amoureusement le sang et les restes de la vie l'une de l'autre. Fin du chapitre 33.